ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage des mains des hommes. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est ton secours et ton bouclier. Ils ont des yeux et ne voient pas, mais vous qui craignez.